En Corée, les travaux de relèvement des régions sinistrées au nord de la province du Hamgyon du Nord battent leur plein, alors que tout le pays est animé par les aides aux sinistrés. Les militaires, bâtisseurs, membres de troupes de choc et les habitants des régions sinistrées accroissent les succès dans la construction des maisons d'habitation et le rétablissement des chemins de fer, des réseaux de l'électricité et de la communication. Chaque direction des chemins de fer du pays transporte les importants matériels tels que des dizaines de mille tonnes de ciment et de matériaux en fer dans les régions sinistrées, alors que les ports de Nampo et de Wonsan font fonctionner en plein régime les équipements pour la navigation rapide des cargos. Les ministères, établissements centraux, organismes locaux du parti et du pouvoir, organisations des travailleurs et les travailleurs de tous les milieux envoient aux sinistrés de nombreux matériels, articles de consommation courante, manuels, livres de référence et matériel didactique.